Alexandre Valentinovich Vorontsov, chef de section coréenne et mongole de l'Institut de l'Orientalisme de l'Académie des sciences de Russie, a visité la Corée du 1er au 6 courant. Pendant sa visite, il a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage. Il a rencontré les cadres des ministères des Affaires étrangères et des Affaires économiques avec l'extérieur, de l'Académie des sciences sociales et de l'Université Kim Il-sung, et visité les chantiers de construction de l'avenue de Myon, le musée central d'éducation de classe, l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang, la ferme coopérative maraîchère de Changchun et le zoo central. Lors des échanges des opinions et de ses visites, il a dit notamment: tout va bien en Corée parce que le peuple coréen est guidé de génération en génération par les grands leaders. Pyongyang a complètement changé d'aspect dans un bref délai de 6 mois depuis ma visite en mars dernier. Il est évident que toutes les sanctions sont sans effet en Corée. Les États-Unis et les autorités sud-coréennes disent que leur but de sanctions est l'abandon nucléaire de la Corée, mais les armements nucléaires de la Corée se renforcent davantage. Grâce à l'unité monolithique du dirigeant et du peuple, tout ira bien en Corée, à l'avenir aussi, et le peuple coréen remportera seulement la victoire malgré toute sanction et toute pression.